Do Petit Village, Nichelle, de la Montagne, au Cours de la Vanoise. Courchevel est devenu en 45 ans une station de sport d'hiver réputée dans le monde entier. Grâce à la qualité et l'entretien exemplaire de ses pistes et le niveau de son hôtellerie, qui lui a attaché une brillante et fidèle clientèle internationale. Courchevel, qui a la particularité d'être implanté sur quatre niveaux, a su allier modernité et tradition savoyarde. L'école de ski est une des forces de la station. Créée en 1947, elle compte aujourd'hui près de 30 ans moniteurs, véritables professionnels et amoureux du ski, tout titulaire diplôme d'État. Courchevel, toujours au sommet. Aucune forme de ski n'a de secret pour eux. Alpin, fond, saut, phonoski, cours particulier, cours collectif, stage, compétition à l'issue desquels le classement vous permettra de connaître votre position par rapport aux champions de l'équipe de France. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Pendant ce temps, vos enfants seront pris en charge par des moniteurs spécialisés et passeront en s'amusant leur première étoile ou leur chameau noir. Et si vous êtes étranger, vous trouverez sans problème un moniteur parlant votre langue. Appréciable, non? N'oubliez pas les 11 guides d'autres montagnes de l'école de ski français qui vous entraîneront dans des randonnées exaltantes et inoubliables pour pistes sous glacier. Ressurez-nous plaisir journée avec nous un refuge tentant, non? Après une bonne journée de ski, vous glisserez dans l'un des 32, 40, 32 lits qui comptent la station. Que vous craquiez pour un séjour de rêve en 4 étoiles ou que vous préfériez la tranquillité d'une résidence, tous les choix sont possibles.